Chapitre 2. La lumière qui se mourait enveloppait les vieux murs roussis de la chapelle des Saints et avivait la pourpre des digitales dressées dans les crevasses, si nombreuses que l'antique sanctuaire paraissait destiné à crouler dans un temps peu éloigné. L'ombre semblait plus profonde, en revanche, sous le porche ogival vers lequel penchaient les branches d'un orme séculaire. La façade étroite, ornée de sculptures naïves, s'éclairait de lueurs mouvantes chaque fois qu'un léger coup de brise déplaçait le feuillage à peine jauni encore. Ces jeux de lumière et d'ombre semblaient beaucoup plus occuper Ariane, assise sur l'une des énormes racines jaillies du sol, que le dessin commencé, tenu entre ses mains distraites. À ses pieds, Abby dormait. Il se dressa tout à coup, flaira le vent et jeta un rauque aboiement auquel d'autres répondirent. Deux épagneuls accouraient, suivis à longue distance par Raymond en tenue de chasseur. De loin, il salua la jeune fille qui lui criait « Le carnier est-il garni ?»« Très garni. Tant pis, féroce massacreur !» Les chiens se frottaient contre elle, quêtant des caresses. Elle les leur distribua avec libéralité en riant des coups d'œil méfiants que leur jetait Abby. Raymond mit à terre son carnier et s'approcha d'elle en demandant gaiement « Vous dessinez la chapelle des Saints ?»« J'essaie. La façade est charmante dans sa naïveté. Regardez !» D'un geste, elle l'invitait à prendre place près d'elle sur un prolongement de la racine. Il s'assit après avoir appuyé son fusil contre le tronc de l'orme. Sur la demande d'Ariane, il lui donna son avis et quelques conseils. Puis il lui raconta les vieilles légendes de la chapelle avec une spirituelle originalité à laquelle se mêlait de la poésie, car il sentait qu'Ariane était capable de comprendre celle-ci. Les mains croisées sur ses genoux, elle l'écoutait, l'interrogeait. Quand les feuillages se déplaçaient, une lumière fugitive frôlait ses cheveux, éclairait son visage attentif, ses yeux qui avaient la douceur veloutée d'une corolle de fleurs. « Comme vous comptez bien, on sent que vous aimez ce pays, ses vieilles traditions. Vous devez être un convaincu. » Il sourit avec un peu de malice. « Vous n'en êtes pas persuadé encore ?» Elle eut un léger mouvement d'épaule en murmurant « Sait-on jamais ?» Son regard se perdit un instant dans la profondeur assombrie du petit porche. Puis elle dit pensivement « Il serait bon de croire à quelqu'un, à quelque chose, à la bonté, à la justice, à l'amour, à n'importe quoi. » Raymond eut un regard de vive surprise. « Comment, mademoiselle, vous en êtes là, à votre âge ?» Avec l'éducation que j'ai reçue, on a déjà vécu à 20 ans. Je n'ai plus d'illusions. L'humanité est une très laide chose, la vie une perpétuelle tromperie, la mort. » Elle frissonna, son épiderme rosé parut blêmir, et Raymond crut voir ses yeux se voiler d'une ombre tragique. La mort est le but, et c'est la nuit. La nuit, le rien, après avoir vécu, pensé, après avoir été moi. C'est affreux, n'est-ce pas ? Le dessin avait glissé de ses genoux sur l'herbe qui couvrait le sol autour de la chapelle. Ses mains se joignaient un peu nerveusement. Avant que Raymond eût ouvert la bouche pour répliquer, elle ajouta vivement « Mais non, vous ignorez cela, vous. La mort n'est pas pour vous la fin de tout. » Vous espérez vivre encore après, vivre mieux surtout. C'est une force pour supporter l'existence. Mais je ne l'ai pas. Alors, je me demande ce qui me soutiendra le jour où quelque grande souffrance, comme celle dont le monde est plein, viendra me visiter à mon tour. » Depuis 5 jours qu'Ariane se trouvait au Grand Sapin, Raymond n'avait vu en elle qu'une jeune fille très gaie, infiniment spirituelle, aimant le mouvement et la distraction. Il n'était pas préparé à découvrir la manxieuse et déjà lasse qui se révélait ainsi à lui. Sa surprise fut perçue par Ariane, qui sourit avec un peu d'ironie mélancolique. « Je vous étonne, vous pensez à mon habituelle gaieté. Elle est naturelle chez moi et c'est très heureux. mais elle ne m'empêche pas de réfléchir beaucoup et de sentir ce je ne sais quoi, ce vide, cet affolant mystère d'incertitude et de ténèbres. Elle ne peut faire non plus que j'ai des illusions sur la vie. » Raymond, tout à coup, se sentait pénétré de compassion devant cette jeunesse en fleurs, déjà lasse de l'existence avant presque d'en avoir goûté, moralement desséchée par une éducation sans idéal et une connaissance trop précoce de la vie. Il dit avec émotion : « Vous êtes à plaindre, mademoiselle. Je ne supposais pas que, sous votre sourire, existât ce désenchantement. » Elle secoua la tête et des points lumineux dansèrent sur ses cheveux. « Oh, beaucoup d'autres sont ainsi, bien certainement. Nous ne savons d'où nous venons, où nous allons. Entre-temps, nous vivons, nous goûtons quelques brèves jouissances, nous souffrons. Tout cela pourquoi ? La vie est incompréhensible, décidément. Bien moins pour moi que pour vous, car j'y vois un but éternel. » Oui, c'est vrai, vous ne pouvez me comprendre. » Elle le regardait rêveusement, comme ses yeux, parfois si rieurs, pouvaient renfermer de graves, profondes pensées. « Je vous comprends, car je me rends compte que, sans ma foi, je serai comme vous. Parce que, vous aussi, vous ne sauriez vous contenter de jouissances passagères, de joies fugitives. Il vous faut de l'éternel. Votre croyance vous en promet, tandis que moi, je n'ai en perspective que d'éphémères bonheurs, tels qu'il en échoit sur la terre. Et c'est trop peu pour une nature comme la mienne, qui voudrait embrasser toute la vie, qui voudrait s'appuyer à quelque grande force spirituelle, pour ne pas choir dans toutes ces bassesses de l'existence. » Elle se levait tout en parlant, et Raymond fit de même. Devant eux, la façade de la chapelle se couvrait d'ombre. Les digitales, à peine touchées par la lumière qui s'évanouissait, devenaient d'un rose plus doux. En passant sur la lande, la brise apportait le parfum des bruyères et toutes les senteurs de la forêt proche, couleur d'ambre et de rouille, au-dessus de laquelle se couchait le soleil. Ce reflet, semblable à un or fluide, arrivait maintenant jusqu'à Ariane, se répandait sur la légère robe blanche, sur les boucles des cheveux et le jeune visage ardent qui s'offrait à l'air du soir. Vers cette lumière prête à disparaître, les yeux se levaient avec une pathétique expression d'attente ou de désir. Raymond la considérait avec une pensive émotion. Il pressentait en cette jeune âme une valeur morale plus grande qu'il ne le supposait d'abord. Celle qui avait dit naguère qu'elle ne craignait que la souffrance du cœur devait être une nature profonde et sensible, sous un scepticisme de surface. Tout à coup, elle leva les épaules et tourna vers son compagnon un visage tendu, un peu sardonique. « Quelle sottise de ne pas prendre tout simplement de l'existence ce qu'elle a d'agréable sans se préoccuper du reste. C'est le système de mon frère. Il a bien raison, au fond. »« Ne dites pas cela, vous ne le pensez pas, » dit fermement Raymond. « Le sais-je ?» Sur cette brusque réplique, Ariane se pencha pour ramasser le grand sac de cretonne qu'elle avait posé à terre avant de s'asseoir. Raymond la prévint et le lui présenta. Elle le remercia distraitement et tendit la main vers la chapelle. « J'aurais voulu entrer là. Qui a la clé ?»« Le curé de Séverac. Je pourrais lui demander demain de me la prêter. » Mais je vous avertis que l'intérieur est dans un état déplorable et qu'il ne subsiste à peu près rien des sculptures qui l'ornaient autrefois. Alors, c'est inutile. Le vandalisme m'a toujours attristé comme la marque d'un esprit bas et stupide que la beauté, l'idéal, exaspère. Elle resta un moment songeuse, les yeux fixés sur la chapelle, puis elle sourit en regardant Raymond. « Je vous ai retenu là et retardé, alors que vous aviez certainement hâte d'aller vous reposer et changer de vêtements. Mais je suis très égoïste, c'est encore un résultat de mon éducation. Les beaux mots sonores de solidarité, de fraternité restent vides de sens pour moi, petite individualité qui ne me reconnaît aucun devoir, mais seulement le droit de prendre mon plaisir où je le trouve. » c'est l'aboutissement logique de la voie dans laquelle on vous a engagée, mademoiselle. Mais, avec votre intelligence très lucide, votre jugement clair et sain, vous vous rendez compte dès maintenant où elle vous mènera et quelle désillusion elle vous réserve sous son apparente facilité. Vous savez par avance que votre individualisme risque de faire de vous une désemparée ou une révoltée. Une révoltée plutôt, ce sera mieux dans mon caractère. En attendant, je prends de la vie ce qu'elle m'offre. Et aujourd'hui, elle m'a procuré le plaisir de cette conversation avec vous, conversation un peu trop sérieuse, surtout par une si belle fin de jour. » Elle eut ce rire frais et charmant qui échappait naturellement à sa jeunesse. Puis elle ajouta « Partons vite, Madame Évène et Paul vont se demander ce que je suis devenue. » Raymond prit son carnet, passa autour de son épaule la bretelle de son fusil et rejoignit la jeune fille qui s'engageait sur la lande, précédée par les trois chiens. Le soleil s'inclinait très bas maintenant. L'ombre gagnait les pentes boisées, traînait sur la lande où les bruyères pâlissaient. Au loin, un troupeau de moutons rentrait, tache claire et mouvante, sur le fond sombre des bois. Ariane marchait d'un pas alerte en causant gaiement. Elle ne semblait plus se souvenir des paroles prononcées tout à l'heure. Mais Raymond la jugeait dès maintenant trop loyale pour douter qu'elle n'eût été sincère en lui laissant apercevoir son précoce désenchantement. Jeune, bien portante, se sachant intelligente, jolie, admirée, elle conservait encore cette gaieté qu'elle reconnaissait lui être naturelle. Mais quand viendrait l'épreuve, que ferait-elle avec cette nature vibrante, peut-être passionnée? Que ferait-elle, cette jeune âme qui semblait déjà dire à la vie « Je te méprise car tu ne peux me donner le bonheur dont je rêve ». Quand les deux jeunes gens, ayant coupé à travers bois, arrivèrent au logis, le soleil disparaissait presque complètement à l'horizon teinté de mauve pâlie. À peine une dernière lueur effleurait-elle encore les cimes jaunissantes des tilleuls plantés en quinconce devant la maison. Assis dans de confortables fauteuils, le président et son hôtesse conversaient paisiblement. Par une des portes-fenêtres du salon parvenait le son du piano et une voix d'homme qui chantait. À la vue de sa fille et de Raymond, le président demanda plaisamment « Eh bien, as-tu été aussi à la chasse, Ariane ?»« Non, papa, ce n'est pas du tout dans mes goûts. Je dessinais une vieille chapelle quand les chiens de M. Évène ont flairé habit et sont venus me rendre visite. Et nous sommes revenus de compagnie. Une charmante compagnie, n'est-ce pas, Raymond ?» Madame Berthe tournait vers le jeune homme son visage de blonde, encore frais, à peine marqué de quelques rides. Elle avait une physionomie peu expressive, une intelligence médiocre, une tendance très accentuée vers le snobisme qui impatientait secrètement Raymond, d'autant plus qu'il craignait que Paul ne subît sur ce point l'influence de sa mère. Avant qu'il pût répondre, Ariane dit, avec un léger rire nuancé d'ironie, « Charmante, en effet, je ne lui ai parlé que de choses ennuyeuses. Qu'est-ce qu'il chante là, Ferdinand ? Je ne connais pas cela. » Elle alla vers la porte-fenêtre et, machinalement, Raymond la suivit après avoir déposé fusil et carnier. Le salon, assombri par le voisinage des arbres, se trouvait déjà dans la pénombre. Raymond distingua cependant aussitôt, assise au piano, la forme claire de Paul, ses longues mains blanches s'agitant sur les touches, d'où s'élevaient des sons heurtés, d'audacieuses dissonances. Près d'elle se tenait debout Ferdinand Daubré. Il finissait de chanter sur une note bizarrement placée là et, en se détournant, aperçut Ariane et Raymond. « Qu'est-ce que cet air plutôt cacophonique ?» demanda railleusement Ariane. Ferdinand levant les épaules en jetant à sa sœur un regard de dédain. « Oui, tu ne comprends rien à la musique d'aujourd'hui. Je suis sûr que Mademoiselle Paul l'apprécie, elle. » Paul s'était à demi détourné sur le tabouret. Ses yeux se levaient sur Ferdinand, souriant et amusé. À vrai dire, elle me semble un peu obscure, mais sans doute mes oreilles s'y habitueraient-elles et finirai-je par en découvrir la beauté. T'es habitué ? J'espère que non, dit sèchement Raymond. Cette étrange élucubration ne mérite pas que tu cherches à la comprendre. Vieux jeu, hein, Even ? Un pli sardonique soulevait la lèvre épaisse de Ferdinand. Raymond riposta du même ton sec. Pas snob en tout cas. Je ne puis comprendre que l'on se pâme devant la laideur et l'incohérence. Et vous faites bien, dit Ariane. Tu ne trouveras pas ici d'admirateur de ta musique pour tribu sauvage, mon cher. Car Paul aime particulièrement le genre sentimental, petite fleur bleue, romance au clair de lune, et j'en passe. Elle regardait son amie avec une affectueuse malice. Mais Paul rougit un peu en prenant un air froissé. Je sais apprécier autre chose, ma chère amie. Évidemment, cette musique nouvelle surprend d'abord, mais en l'étudiant, en cherchant les beautés, on doit arriver à la trouver intéressante. Vous y arriverez certainement, mademoiselle, dit Ferdinand. Il y a en vous trop d'intelligence, trop de compréhension artistique, pour que cette moderne expression de l'art musical vous laisse insensible. Raymond, dont les nerfs étaient singulièrement agacés, retint une réplique montant à ses lèvres qui aurait été jugée trop mordante à l'égard d'un hôte. Mais Ariane riposta ironiquement « Cela veut dire alors que mon intelligence, ma compréhension artistique et celle de M. Even sont au-dessous de tout ?»« Grand merci, mon cher. Du moins, j'ai la consolation de me trouver en bonne compagnie. » Ferdinand eut un haussement d'épaule en la regardant sans aménité. « Oh, toi, tu as des idées toutes particulières. Savez-vous ce qu'elle préfère en fête de musique ?» Le plein chant grégorien. C'est incomparable, dit Ariane avec ferveur. Quelle sobriété, quel admirable dépouillement. Vous autres, avec vos âmes religieuses, vous ne devriez plus pouvoir entendre autre chose que cela. Ferdinand ricana. Hein, croyez-vous qu'elle est enthousiaste, ma sœur? Mais je vous laisse, j'ai une lettre à écrire avant le dîner pour que le chauffeur puisse l'emporter demain matin, puisque Madame Even doit l'envoyer en ville. À tout à l'heure. » Ces mots s'adressaient surtout à Paul, accompagnés d'un sourire aimable auquel répondit celui de la jeune fille. Ariane s'éloigna aussi et les fiancés demeurèrent seuls. Paul, quittant le piano, prit le cahier de musique posé sur le pupitre. Monsieur Daubray l'a acheté hier à Périgueux pour pouvoir me faire juger de ce genre de musique. Il a vraiment une belle voix, mais je l'aime mieux quand il chante autre chose. Pourquoi ne le lui as-tu pas dit au lieu d'avoir l'air de regretter ton incompréhension ? Le ton un peu bref parut surprendre Paul. De regretter ? J'ai eu l'air de regretter ? Je t'assure que je parlais ainsi par simple politesse. Raymond prit sa main et la porta à ses lèvres. « Je le crois, ma chérie, mais avec ce Daubray, si satisfait de lui-même, mieux vaut ne point paraître ménager ses idées, car il pourrait en prendre prétexte pour chercher à les imposer. » De nouveau, la surprise parut sur la physionomie de Paul. « Je crois que tu te fais une fausse opinion de lui, mon ami. Nous avons assez longuement parlé ensemble aujourd'hui et je l'ai trouvé, au contraire, plein de tact, d'idées élevées. Tellement intelligent en outre. Il donne l'impression d'une puissance intellectuelle qui s'impose. Quant à cela, je ne le conteste pas. Mais les idées élevées de Ferdinand Daubray... Ah non, Paul, ne te laisse pas leurrer par cette langue dorée. » Elle eut une moue légère en se penchant pour poser sur une table le cahier de musique. « Peut-être as-tu trop de prévention contre lui, Raymond. À cause de ses succès, il doit être jalousé par certains de ses confrères et ceux-ci peuvent le calomnier. Généralement, tu es plus indulgent. Il y a des cas où l'indulgence doit céder le pas à la vérité. » Je t'assure, Paul, que je serais heureux de pouvoir porter un autre jugement à son égard, mais je ne le puis honnêtement. » Elle leva sur lui un regard redevenu souriant. « J'ai toute confiance dans tes appréciations, mon cher Raymond, mais il est vraiment dommage que... » Elle laissa la phrase en suspens et s'approcha de la porte-fenêtre. Le quinconce était maintenant complètement dans l'ombre. Madame Berthe et le président l'avaient quitté. Seul, Abby demeurait étendu sur le sol, la tête entre ses pattes. « Il faut que je monte pour demander à maman si elle a d'autres commissions à ajouter à la liste de Barnabé pour demain. » Raymond, qui l'avait suivi, se pencha vers elle en disant à mi-voix « Que tu es jolie, ma Paul, ce soir !» Elle le regarda, sourit de nouveau. Pourquoi eut-il l'impression que ce sourire avait quelque chose de machinal, comme si la pensée de Paul était ailleurs et que le jeune visage restait presque insensible sous les lèvres du fiancé très aimé ?